skip qui swing, qui bouge. Je suis cool dans mes chaussures, je danse comme un ours qui a pas d'allure. Je suis pas du genre feeling, du genre tempo. Je suis né au temps du bop, du rock'n'roll, dans la réédition des années folles. En ce temps-là pourtant, ça swingait bien chez Boris Vian, au pied de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Mais peut-être que mes parents, c'était des calmes, pas le genre à fréquenter ce genre de bal. Et le jour où ils m'ont fait, j'écoutais sûrement pas Presley, mais plutôt le concerto pour Gardénal. Par hasard dans la musique, pour essayer de compenser mon physique. Je me disais que pour les filles, des guitares vaut mieux que pêche à la ligne. J'aurais dû essayer le rock'n'roll, j'aurais joué les idoles bardées de cuir, le corps criblé des traces de leurs soupirs. J'aurais bougé mes fesses, m'aurait assassiné la presse, et j'aurais fait les foires comme attraction. Paraît que mon truc c'est la chanson d'amour, le genre qui ferait dormir même les sous. Paraît que je suis condamné aux charentaises à l'oreiller. Je serais pas chanteur de rock, je ferais pas du blues. Surtout me faites pas bouger, que vous risqueriez de me réveiller. Je serais pas chanteur de rock, je serais pas du blues.